souris, toi être filé. Au tout début, c'est bien, c'est beau, c'est rose, rien à reprocher. Tout disparaît comme un ricochet. Il y a plus le temps, on dirait que tout est acquis. Pourquoi t'es rentré dans ma vie? Tu m'as pas rencontré dans un parking. Et si je te laisse, faudra pas s'en prendre à moi. C'est mort, j'ai plus la foi. Sache que je ne reviendrai pas. Au début c'est beau, mais la suite reste invisible. Je m'habitue à ton absence, absence, absence. De toute façon, je m'efface cette patience, patience, patience. À moi où je m'habitue à ton absence, absence, absence. De toute façon, je m'efface cette patience, patience, patience. À moi où. Je savais que c'était pas pour du sérieux, dis-moi pourquoi. Dis-moi pourquoi. Sache que je ne t'ai rien demandé. J'ai assez donné, et quand tu donnes, on te trahit. J'aurais discerné tes cris avant de te faire entrer dans ma vie. C'est bon, je te laisse. Ouais, tu m'as foutu à bout. Je sais que si je me remets en coupe, tu reviendras à tous les coups. Au début, c'était beau, mais la suite sera invisible. J'ai claqué la porte, j'ai perdu la poignée. Et tu n'as pas le double clé. Qui t'a dit que tu étais irremplaçable? Supporter ça m'est inconcevable. J'ai claqué la porte, j'ai perdu la poignée. Et tu n'as pas le double clé. A zig zig zig zig zig zig, sous café fait suite là. Patience, patience, patience, ça me rend ouf.